C'est Guillermo Guise. Voilà. Oh là là. Quel boulot. Quelle couture. Ça c'est produit. Ça va les amigos? Oui. Oui. Honnêtement. On y croit là ou pas? Ouais. Honnêtement. Quoi? Vous trouvez pas que c'est injuste tout ce qu'on dit sur les autruches? Franchement. Mais alors, mais tellement. Mais je sais, un sujet polémique de plus. Je sais que notre invité dit « Ah non, je suis pas venu sur France Inter pour qu'on se déchire encore une fois au sujet des autruches. » Je suis le premier, désolé M. Bussy. Mais à un moment, il faut que quelqu'un ait le cran de dire la vérité. Ouais. Non. Non, les autruches, elles mettent pas la tête dans le sable quand elles ont peur. Oh, on va encore avoir du courrier. Je m'en fous. Là, j'écris, si ça ne prend pas ton histoire d'autruche, passez directement au thème de la chronique. Vas-y. Non, mais une autruche, ouais. Ça tape des pointes à 90 km/h. C'est absurde de croire qu'en cas de danger, elles ont que ça à foutre de mettre la tête dans le sol en laissant dépasser 140 kg de viande. C'est absurde. Vous croyez, c'est vrai, c'est con, quoi. Vous croyez qu'elles se disent, ah, bah, en ce qui me concerne, les hyènes, elles me trouveront jamais. Bah si, c'est vraiment prendre les autruches pour des naïves. Alors, bon, pourquoi je vous parle volaille? Ah, vraie question, merci beaucoup de l'avoir posée. Eh bien, en fait, j'avais une première version de ce texte où je commençais en disant « Je n'écoute plus les infos, j'ai décidé de faire l'autruche. » Puis je me suis dit « Faire l'autruche, Et si j'étoffais mon intro? Allez. Et ben, c'est vrai, on a toujours tendance à expédier les intros pour foncer vers le corps du texte. C'est dommage. Michel Bussy, je ne vous aime pas. Et bim, texte. Alors que non, voilà, c'est un tort. Parce que l'éditeur, il n'est peut-être pas familier du milieu de l'autruche. Peut-être il se dit Ernesto, fils de l'arbre à fleurs. Oh, toi, fin connaisseur de l'Afrique, abreuve-nous de tes connaissances sur cet oiseau. Eh bien, c'est vrai, non, toujours se dépêcher pour les intros. Alors qu'on a le temps, j'ai commencé à 11h32, il doit être quoi là? 11h56, oui. Peut-être max 59. Mais enfin, le temps des infos. Le temps, paraît long, là, oui. Que j'ai tout. Voilà, eh bien je reviens sur le thème de ma chronique. Oui. Voilà, je suis un équilibriste. Deux fois, j'ai fait le plus grand cabaret du monde. Je faisais Paravent d'Arturo Brachetti. C'est vrai. Je suis en cure de sevrage d'actu. Là, ça devenait trop. Mon premier réflexe en me réveillant, avant même d'aller pisser, c'était regarder les chiffres de la pandémie. Ah bah, j'urinais déprimé. Je gâchais ma première pisse. Ah bah, j'en ai souillé du carrelage. Hein. Je ressentais plus l'envie de viser. Ah bah, je revenais au lit, les orteils humides. J'essuyais avec ma tête d'oreiller. La technique Daniel, comme ils disent dans la Légion. C'était trop la gueule. J'écoutais le 7-9 d'Inter. À 9, j'avais envie de me jeter dans un food truck. Mon cerveau, il faisait que ruminer le Covid. En plus, vous le voyez, le Covid se rapprochait de ma génération. Au début, c'était les tout vieux, puis les semi-vieux, puis les jeunes vieux. Et là, les taux se resserrent, quoi. Je sais qu'à tout moment, je peux entendre un virologue dire à Léa Salamé, le nouveau variant s'attaque dorénavant au chroniqueur belge de la bande originale. Genre qui m'a ajouté, à l'exception notable de Fanny Ruet. Je sais. Avant, ça m'angoissait. Maintenant, ça me fout le cafard, quoi. Donc, j'arrête les infos. Voilà, ce que tu sais pas, tu peux pas en souffrir. Ouais. C'est vrai. C'est comme quand tu te fais larguer si t'es pas au courant. Ça va, hein. C'est vrai, non? Si la fille, je crois qu'il faut qu'on parle, mais toi tu fais j'ai plus de batterie, et ben voilà, c'est réglé, vous êtes encore ensemble. C'est comme Nagui, il est sorti avec Sophie Marceau, il l'a appelé, il a dit je peux vous inviter à dîner, avant qu'elle réponde, il a raccroché, ils sont ensemble depuis, hein, c'est une bluette exceptionnelle. Ça fait 30 ans. Non mais savoir, ça te mine. En plus, les médias, ils t'exposent en permanence à ce que le monde a de plus triste à offrir. Parfois, t'écoutes les infos, on te dit qu'un accident de train a fait 3 morts à Asunción. C'est quoi le but d'annoncer ça? Tu crois que je vais me dire faut trop que je réforme le système ferroviaire au Paraguay? Ben non, ça peut plus durer cette histoire de caténaire. Ben non, il y a une fascination pour la mort chez les journalistes. Ils sont fascinés par la mort. Parfois, on t'annonce le décès d'un chanteur américain dont personne n'a jamais entendu parler. Ils te font « Oui, rappelez-vous, il faisait les chœurs dans la pub Reblochon. » T'es là, c'est lui en effet, mais pourquoi est-ce que je le sais? C'est triste pour lui, mais pourquoi j'ai deux nouveaux neurones en deuil? C'est vrai, c'est dommage, j'en peux plus de l'info, c'est trop. Il a fallu que je m'évade. Il faut que je m'évade. Au début, j'ai pensé à la drogue, évidemment, mais Léla a changé de numéro. Voilà. Quand j'appelle l'ancien, c'est la police qui décroche. Du coup, j'ai arrêté les JT, les sites d'infos, en tout cas jusqu'à hier, puisqu'il a fallu que je trouve un sujet pour ma chronique. J'étais obligé de m'informer, bande de fils de pouce. Eh bien, vous savez quoi? J'ai ouvert l'internet illimité, vous savez quoi? Il y a un variant belge. Mais non, mais oui, ça y est. Mais ça y est, franchement, j'ai une fierté. J'ai une fierté. C'est Jacques Séguéla qui a dit, si t'as pas un variant à 50 ans, t'as raté ta vie. Et oui, je sais, il y avait moyen de mieux écrire cette blague. Ah bah forcément, quand tu mises tout sous l'intro. Allez, bonne émission. Merci, bravo. Ah la vache. Je vais te redonner mon 06.